L'ami, par Henri Duvernoy. On a cité le cas d'un bourgeois naïf, dont la seule raison d'être et l'unique fierté consistaient dans son intimité avec un acteur du palais royal. Quand l'acteur mourut, l'autre, inconsolable, fit graver des cartes de visite qui portaient X, ami de feu Grasso. Ainsi, Mathieu Sourdeline ne semblait mis au monde que pour servir d'ami à Geoffroy Bernache, auteur dramatique fécond et célèbre. Au collège, Sourdeline fignolait ses compositions parce qu'elles étaient recopiées par Bernache. Après le collège, il choisit un métier qui lui déplaisait, mais qui était destiné à l'enrichir vite pour qu'il pût se consacrer entièrement à son ami. Il lui fournissait des sujets, faisait à son intention des recherches dans les bibliothèques, lui servait de secrétaire, copiait ses pièces de l'écriture la plus appliquée, corrigeait ses fautes sans en avoir l'air, prenait son billet, et veillait à l'enregistrement de ses bagages quand il voyageait, surveillait ses domestiques, sa nourriture, le grondait s'il veillait trop tard, et rectifiait tendrement le nœud de sa cravate. Enfin, il n'allait dans ce monde que pour chanter les louanges du premier des dramaturges passés, présents et à venir, selon lui. Bernache, gonflé de vanité, trouvait naturel cet hommage sans fin rendu à son génie par un comparse qu'il plaçait dans ses préoccupations entre son valet de chambre et son pédicure. Aux répétitions générales des œuvres qui n'étaient pas signées du nom prestigieux, Sourdeline se montrait implacable et glacé. Mais il faisait beau le voir quand il s'agissait d'une pièce de Bernache. Alors, il se déployait avec une sorte de frénésie, arrivait avant les ouvreuses, calmait les mécontents, encourageait les loges, chauffait les galeries supérieures, enivrait les artistes de compliments et de champagne, s'enrouait à crier bravo, et se précipitait à la sortie pour nouer autour du cou de son grand homme un foulard protecteur après lui avoir jeté sur les épaules son propre manteau. Bernache avait eu un gros succès grâce au talent d'une de ses interprètes, Estelle. Un soir, il confia à Sourdeline « Je suis très ennuyé. Estelle se dérange. Elle rêve d'une vie sérieuse. Elle a envie de se marier. J'ai peur qu'elle n'épouse un imbécile qui l'arrachera au théâtre. » Bernache se dévoua. Une semaine plus tard, il prévenait son ami. « J'épouse Estelle, tu n'as plus rien à craindre. Tu l'aimais donc. J'ai surtout songé à toi. » Il fut remercié par une bonne poignée de main. Le hasard voulut qu'il n'eût rien à regretter. Estelle se montra fidèle épouse et excellente ménagère. Elle donna à son époux un fils qu'ils appelèrent Jean Geoffroy. Puis elle engraissa paisiblement. « Je ne puis plus jouer les ingénus, » déclara-t-elle à son mari. « Le théâtre m'assomme. » « Je suis las d'apprendre par cœur, par mal de cœur, des phrases que je n'aurais pas le courage de lire jusqu'au bout si j'étais libre. Permets-moi de me retirer. » Bernache décline rapidement. Il me déplairait d'être associé au four qu'il a à faire. Ne blasphème pas. » Geoffroy, consulté par son alter ego, riposta avec son amabilité coutumière. « Une de perdue, 10 de retrouvée. Le pot-au-feu ne réussit d'ailleurs pas à Estelle. » Et tout fut dit. Madame Sourdeline put se consacrer à son fils, à sa broderie anglaise et au homard à l'américaine, qu'elle réussissait merveilleusement. Elle donna sa boîte de phare à une débutante et enfouit au plus obscur d'un placard les brochures des pièces qui avaient établi sa réputation de comédienne. Elle se consolait avec son enfant de ne voir Mathieu causeur, bien rare, où Bernache ne l'accaparait pas. Elle lui passait Bernache, comme certaines, indulgentes, passe à leur époux le cigare ou le petit verre de cognac. Or, l'amour de l'art présente avec l'amour cette différence essentielle que, loin de diminuer avec le temps, il devient de la passion, de la rage et de la monomanie. Plus le succès lui échappait, plus l'infortuné Geoffroy se cramponnait à la rampe, si l'on peut dire. Être joué équivalait pour lui à être aimé pour un amoureux. Il devint la terreur des directeurs de théâtre qui ont l'esprit de contradiction et répètent volontiers avec Carmen « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. » Ils les poursuivaient avec tant d'acharnement qu'ils lui fermèrent leur porte-nez. Alphonse Daudet ne vit-il pas dans sa jeunesse monsieur scribe vieilli qui patientait avec résignation dans l'antichambre du gymnase de ce théâtre de madame dont l'auteur du mariage de raison avait fait la fortune? D'aigres années s'écoulèrent. Estelle, heureuse et douillette, haussait les épaules avec une affectueuse pitié devant son époux, qui maigrissait comme Bernache, devenait amère et méprisante comme Bernache, et maudissait comme Bernache une époque sourde au génie. Il célébrait toujours les louanges de son ami, mais on lui objectait. Il se fatigue, il s'obstine à trop produire. Conseillez-lui donc de se reposer un peu. Molière, répondait-il, ne s'est jamais reposé. Bernache n'est pas Molière. Si ! Il déplorait la décadence du goût. Tu seras ingénieur des ponts et chaussées, et pas autre chose, jura-t-il en étendant la main au-dessus du berceau où reposait son fils. Jean Geoffroy prospérait. Il reçut des leçons d'amertume de son père et de son parrain. Pressentant chez lui de fâcheuses dispositions, ils le placèrent en face de ce dilemme, ou construire des ponts, ou dormir dessous en faisant de la littérature. Cela ne l'empêcha pas, dès qu'il eut 20 ans, de lire une petite comédie à la famille assemblée. Bernache prononça le verdict. « Très mauvais, enfantin et prétentieux. Tu ferais mieux de t'établir cordonnier au marchand de fromage. Voilà mon avis. Tu l'entends, Jean ? Voilà l'avis du maître du théâtre, s'écria Sourdeline. Jean s'inclina, referma son manuscrit, mais le porta dans un théâtre et fut joué. « Tu as beaucoup de talent, lui répétait Madame Sourdeline. Moi, ta mère, je te prédis un triomphe. » La prédiction se réalisa. Bien que l'œuvre fût nouvelle et de tendance exactement opposée à celle de Bernache, ce petit acte frais et sincère alla au nu. Dans la loge de l'auteur se déroulait une tragédie. Bernache restait immobile, glacé, la nuque roide, la bouche tirée par un rictus d'agonie. « Applaudissez donc !» criait la mère. « Vous êtes les seuls à rester figés. » Bernache balbutiait. « Je ne peux pas. Je suis le parrain. » Et Sourdeline. « Moi non plus, je suis le père. » Mais derrière le dos hostile de son ami, il pleurait, un peu de fierté, parce qu'il s'agissait de son fils. Beaucoup de tristesse, parce que Geoffroy n'en était pas. Après le baisser du rideau, au milieu d'une ovation chaleureuse qui saluait son nom, Madame Sourdeline se rua dans les coulisses afin d'embrasser le triomphateur. Geoffroy se leva, livide, se cogna dans les chaises, traversa les couloirs au galop, gagna la rue et constata « Naturellement, il pleut !» Puis à l'adresse de son ami qui l'avait suivi, humble et bouleversé, il ajouta « Il y a de quoi rire, un galopin, une pièce qui n'est pas une pièce, voilà donc ce qui réussit maintenant !» Et Sourdeline, entraînée par la force de l'habitude, répliqua avec une douceur de médecin aliéniste soignant un malade chéri. « Cela n'aura qu'un temps, Geoffroy, ce n'est pas possible, ne te tourmente pas, attends, tu verras, le public se ressaisira. » C'était « L'ami » par Henri Duvernois.